Quand la prière devient primordiale et l'événement le plus important dans votre emploi du temps, attendez-vous à des changements radicaux dans votre vie. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Quand les chrétiens parlent de prière, ils semblent surtout préoccupés par des résultats et des réponses conformes à leur plan. Mais si notre intérêt principal se concentre avant tout sur la satisfaction de nos besoins et de nos désirs, nous avons raté la raison première de la prière. L'émission d'aujourd'hui nous apprendra que la grâce de Dieu dépasse de loin quelques requêtes isolées. Aujourd'hui, Charles Stanley nous aide à changer notre attitude par rapport à la prière en nous proposant un moyen efficace d'ériger et de maintenir une structure et une constante dans notre temps personnel avec le Seigneur. Si vos prières sont improvisées et fades, restez avec nous pour un message qui vous permettra de profiter au maximum de votre vie de prière. Voici Charles Stanley. Dans les jours de son existence physique, si on avait questionné le Seigneur Jésus-Christ sur ses priorités quotidiennes, je suis persuadé qu'il aurait répondu, en tout premier lieu, « mon temps personnel avec le Père ». La Bible nous décrit Jésus se levant tôt le matin et allant prier seul avec le Père. Le soir venu, il se retirait seul avec le Père encore pour prier. Il disait, « je fais seulement les choses qui plaisent au Père ». Je fais seulement les choses que je vois le Père faire. Je ne prends aucune initiative personnelle. Jésus-Christ était en communion continue avec son Père, non seulement parce qu'il était Dieu, mais aussi parce qu'il accordait un temps d'intimité à son Père céleste. Ouvrons nos Bibles, si vous le voulez, à l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4. Paul nous donne de précieux conseils sur les différentes facettes de la prière. Nous parlerons ici d'une des parties les plus importantes. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Et le verset 4, « et le faire connaître comme je dois en parler. » J'aimerais prendre quelques instants pour parler d'un aspect très pratique de notre vie de prière, car si nous voulons vraiment nous consacrer à la prière, nous n'improviserons pas un temps avec Dieu en faisant autre chose, comme conduire notre auto ou travailler à notre bureau. Plusieurs personnes luttent avec beaucoup de problèmes et font face à de nombreuses peines au cours de leur vie, car elles ne réalisent pas que Dieu voudrait les aider dans ces épreuves, soit en les soutenant, soit en éliminant certaines composantes du problème, si seulement ils consentaient à passer un peu de temps avec lui pour qu'il puisse leur donner la sagesse pour répondre adéquatement à ces situations. Si vous voulez avoir une vie de prière qui en vaille vraiment la peine, qui vous aide à influencer votre environnement, votre vie ou la vie des gens autour de vous, il existe quatre choses essentielles à mettre en pratique, selon moi, et je vous encourage à les prendre en note. Premièrement, fixez-vous dans la journée un temps déterminé à l'avance. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas vraiment vous consacrer à la prière. C'est impossible, et cela pour une raison très simple. Satan déteste par-dessus tout vous voir prier, et il fera tout pour vous distraire et vous en empêcher. Il essaiera par tous les moyens de vous trouver autre chose à faire, de vous garder occupé, de vous rappeler votre horaire surchargé afin de ne pas vous laisser le temps de prier. Deuxièmement, déterminez dans votre domicile un endroit tranquille où vous irez toujours prier quand viendra le temps. Vous vous demandez peut-être pourquoi le choix d'un endroit spécifique pour prier est si important. Le fait d'avoir un endroit pour prier favorise le recueillement, quelle que soit la location. Il pourra s'agir d'un endroit dans la chambre à coucher, du grenier ou peut-être même de la salle de bain, si c'est le seul endroit où vous pouvez être tranquille. Vous devez avoir un endroit où vous pourrez rencontrer Dieu, où vous pourrez combattre ces choses que vous et lui devez régler dans l'intimité de votre vie. Lorsque vous aurez pris l'habitude de prier à cet endroit, vous serez conscient d'un fait. Entrer dans cette pièce vous prédisposera à la prière. Si vous priez n'importe où, vos pensées prendront plus de temps à s'organiser. Si vous priez toujours au même endroit, cela facilitera votre concentration, car la prière est ce que vous faites habituellement à cet endroit. Vous vous rappellerez aussi plus facilement vos sessions de prière précédentes. Troisièmement, vous devez avoir un objectif. Vous ne prierez pas. Vous prierez au jour le jour, selon les besoins du moment. Une petite prière pour ceci, une petite prière pour cela, mais vous ne prierez pas beaucoup. Quel est cet objectif? Je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais l'ultime objectif de la prière n'est pas d'obtenir quelque chose de Dieu. Aux yeux de Dieu, la raison première de la prière est de développer une intimité chaleureuse et personnelle avec lui. Voilà quel devrait être notre principal objectif. Le reste, soit nos requêtes ou nos besoins, passe après. Quatrièmement, vous devez avoir un plan. Voici un plan simple, mais très important. Il s'agit seulement de noter vos prières. Procurez-vous un calepin et écrivez vos requêtes. Ajoutez-y la date où cette requête a été faite et quand le Seigneur répond à cette requête. Inscrivez aussi cette date et tracez une ligne sur cette requête. Seulement une, que vous puissiez la relire ultérieurement si vous le désirez. Et avec le temps, voici ce qui se produira. Une ligne, deux lignes, cinq lignes, 10 lignes, 2 pages, 3 pages, 10 pages, 20 pages, ligne, ligne, ligne, ligne barrée, ligne, ligne, ligne. Chaque fois que vous ouvrirez votre calepin, voici ce qu'une ligne vous annoncera. Dieu m'a entendu, il m'aime, il prend soin de moi, il s'intéresse à moi. Dieu intervient dans ma vie, Dieu répond à ma prière, Dieu approfondit ma relation avec lui, je grandis dans ma foi. Ma vie est tellement merveilleuse, Dieu est dans ma vie. Selon Paul, nous devons nous consacrer à la prière si nous la voulons efficace. Nous devons persévérer et nous accrocher à elle. Ne nous contentons pas de faire des petites prières pour abandonner ensuite si les réponses ne suivent pas assez vite. Puis, il nous exhorte à être alertes. Si nous rêvassons, notre esprit vagabonde et Satan en profitera pour nous attaquer. Toutes sortes de choses peuvent se produire lorsque vous priez. Toutes sortes de distractions peuvent vous assaillir, mais rappelez-vous à qui vous vous adressez. Nous devons demeurer vigilants, être alertes, avoir une attitude d'action de grâce et lui exprimer notre gratitude. En tenant ce journal de prière à jour, vous serez motivé à remercier Dieu continuellement pour ce qu'il fait dans votre vie. Après ce premier conseil de Paul, nous pouvons continuer notre lecture, toujours dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Verset 3, priez en même temps pour nous. Paul parle de lui-même, au moment où il écrit cette lettre, il est en prison à cause de sa foi. Verset 3, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Toujours le verset 3, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Et verset 4, et le faire connaître comme je dois en parler. Écoutez bien ceci. Dieu ne nous a pas donné cette fantastique opportunité qu'est la prière simplement pour que nous puissions lui demander des choses, bien que cela fasse partie de son plan. Nos préoccupations personnelles et nos préoccupations pour nos proches doivent être accompagnées de préoccupations pour le ministère. Paul connaît la puissance de la prière et qu'émander ne le gêne pas. Priez en même temps pour nous. Lorsque je réfléchis à cette requête de Paul quand il demande aux Colossiens de prier pour lui, je crois qu'il tente de les inciter à réellement parler avec Dieu. Je veux maintenant vous donner 10 éléments. Ils sont les résultats que vous obtiendrez lorsque vous commencerez à prier, non seulement pour vous-même, mais pour le monde et pour les ministères autour du monde. Je vous conseille de les écrire. Voici 10 choses qui se produiront si vous décidez de prier sérieusement. Premièrement, Comme nous l'avons vu au début, votre relation personnelle avec Dieu s'améliorera. Vous deviendrez plus intime. Deuxièmement, vous serez en mesure de voir les choses comme Dieu les voit. Vous serez capable d'être sensible à des choses qui vous avaient jusqu'alors laissé indifférent. Et vous serez également en mesure d'agir avec discernement par rapport à des sujets jusqu'alors inconnus. Troisièmement, vous développerez, en priant avec sérieux, une attitude positive de foi. Le calepin de prière continuellement mis à jour vous sera d'un précieux secours, car il vous rappellera ce que Dieu vous dit et comment il travaille dans votre vie. Quatrièmement, vous expérimenterez la paix au milieu des situations délicates et stressantes. Remarquez bien que je n'ai pas dit que la prière allait toujours enlever le stress, la pression, les épreuves, les tribulations, les peines, les fardeaux, les larmes, les blessures et les chagrins. Dieu n'enlèvera pas tout cela de votre vie. Mais quand vous faites de la prière votre style de vie, vous expérimentez un étrange, mais ô combien exaltant, sentiment de paix qui semble doucement planer au-dessus des contraintes, quelle que soit l'intensité de la pression extérieure ou de la profondeur des blessures. Vous serez imprégné de ce sentiment de paix placide, jamais expérimenté auparavant. Certains se demandent peut-être si le seul fait de parler à Dieu peut vraiment générer ce genre de transformation. Je vous le garantis, mais il n'existe qu'un seul moyen de s'en assurer. Si la prière devient pour vous une question sérieuse dans votre vie, si vous y mettez tout votre cœur, si vous passez du temps avec Dieu à l'écouter et à lui parler, vous serez en mesure de vérifier si je dis la vérité ou non. Cinquièmement, la prière exercera sur vous une influence purgative. Vous ne pourrez pas venir à Dieu avec un cœur ouvert jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sans qu'il mette à l'index des choses à changer dans votre vie et qui vous échapperaient autrement. Et même si une personne les voyait, elle ne pourrait pas lutter avec cette conviction profonde ou cette prise de conscience sur un aspect de votre personnalité qui vienne de Dieu. Je ne parle pas nécessairement d'un péché, mais de certaines choses dans votre vie dont vous pourriez vous passer, ou de choses que Dieu veut ajouter dans votre vie. Sixièmement, la prière est le chemin royal vers une croissance véritable, authentique et spirituelle. Et lorsque vous consacrez votre vie à la prière, Dieu vous montre des aspects de votre vie qui ont besoin d'être changés. Il vous montre comment investir dans vos dons spirituels. Il vous dirige plus concrètement sur votre façon de gérer votre argent et de l'investir. Il vous indique comment donner et quel ministère devrait profiter de vos dons. Dieu se met à vous donner des directives précises en ce qui concerne tous les aspects de notre vie. Septièmement, vous développez une passion pour l'obéissance à Dieu. Quand vous priez, Dieu se révèle à vous et vous souhaitez lui obéir. Mais Satan n'abandonnera pas. Et lorsque vous décidez de vous mettre sérieusement à prier, c'est le moment où Satan pourra déclencher ses attaques les plus vicieuses et les plus fréquentes. Vous commencerez peut-être à vous demander, « Seigneur, que se passe-t-il ? » Nous pouvons nous réjouir, car lorsque nous ne dérangeons pas le diable, il ne nous dérange pas. Mais quand nous commençons à considérer sérieusement notre relation avec Dieu et à intercéder, Satan est furieux et il déclenche ses attaques les plus féroces. Huitièmement, pendant toute notre vie, Dieu pourvoira à tous vos besoins, qu'ils soient physiques, matériels ou émotionnels. Neuvièmement, une puissance jusqu'alors insoupçonnée vous fournira l'énergie nécessaire pour servir Dieu, qu'il s'agisse de chanter dans une chorale, de recueillir l'offrande, d'enseigner dans une classe d'école du dimanche, de prêcher la parole ou de chanter en solo. Peu importe que vous soyez au travail ou à la maison, que vous soyez un père ou une mère de famille, Dieu infusera dans vos veines sa présence, sa puissance et sa sagesse pour vous permettre d'accomplir efficacement les tâches qu'il vous a confiées. Et dixièmement, pour bien coiffer le tout, vous serez plus productif dans tous les aspects de votre vie. Quand la prière devient un enjeu majeur, quand elle obtient la priorité dans votre planning, qu'elle devient l'événement le plus marquant de votre journée, que Dieu devient la personne la plus influente de votre vie, que votre relation avec Jésus-Christ est la plus déterminante, et que vous acquérez une expertise dans tous ces domaines, toutes les facettes de votre vie subissent une véritable mutation spirituelle. Rien ne vous oblige à me croire sur parole. Essayez-le vous-même. Comment réagissez-vous devant cette occasion qui s'offre à vous? La Bible enseigne que nous devenons les canaux par lesquels Dieu diffuse son omnipotence du haut des cieux pour la transmettre ici-bas sur terre. Elle s'incruste dans la vie des gens et dans les situations pour transformer leur vie. Lorsque nous développons notre vie de prière et que nous nous mettons à écouter Dieu et à parler avec lui, nous intercéderons spécifiquement pour des gens ou des situations. Et nous penserons tout à coup, « Tiens, pourquoi est-ce que je prie pour ça? » Considérez ceci. Combien d'entre vous aimera voir un groupe de personnes qui prient pour vous chaque jour? Combien d'entre vous sont disposés à avoir un partenaire de prière? Si vous voulez que les gens prient pour vous, commencez par prier pour quelqu'un. Vous savez ce qui me fait vraiment peur? Je détesterais penser une seule minute que je suis le pasteur d'une église où aucun des membres ne prie pour moi. Que Dieu m'en préserve. Je peux vous garantir que je ne pourrai jamais passer au travers. Personne ne peut parvenir à accomplir la volonté de Dieu sans que personne d'autre ne prie pour lui. Et en vérité, nous ne pourrions même pas survivre si personne n'intercédait en notre faveur. Nous ne pourrions jamais y arriver. Tous les adolescents devraient remercier Dieu pour des parents qui intercèdent pour eux et qui lui rappellent quotidiennement le nom de leur enfant. Et tous les parents devraient implorer Dieu en faveur de leurs enfants. Nous devrions supplier Dieu pour toutes les personnes dans le besoin. Nous ne réalisons pas toujours la puissance dont nous disposons. Cette puissance de pouvoir élever les gens dans la prière, en demandant à Dieu de les protéger, de leur accorder la sagesse, une direction dans leur vie et de leur donner du discernement pour prendre de bonnes décisions. Votre sécurité ne se trouve pas à la banque ou à la bourse. Le meilleur atout dont vous disposez, ce sont des gens qui prient pour vous, qui élèvent votre nom vers Dieu et qui l'implorent en votre faveur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 4 verset 3 nous dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Paul nous dit de prier pour le ministère. En fait, il nous demande surtout deux choses. Premièrement, que Dieu ouvre les portes. Voyez-vous, elles s'ouvrent par la prière. C'est de cette façon que la parole a pu entrer, par exemple, dans d'autres pays du monde. Nous avons prié Dieu et nous lui avons demandé d'ouvrir les portes. Nous lui avons dit que nous ne pouvions rien faire sans lui. Nous lui avons dit que nous n'avions pas de stratégie d'évangélisation ni d'argent, mais que nous lui faisions confiance. Si vous désirez que Dieu travaille dans votre vie, persuadez des gens de prier pour vous. Si vous voulez persuader des gens de prier pour vous, commencez par prier pour quelqu'un, et Dieu incitera des gens à prier pour vous. Et vous pourrez ainsi demander à des personnes de prier pour vous. Vous pouvez également vous intégrer dans un petit groupe de prière, mais n'oubliez pas de passer du temps seul avec Dieu pour l'implorer pour vos besoins. Revenons au passage de l'épître de Paul aux Colossiens où il demande de prier pour lui, afin que Dieu lui ouvre une porte pour la parole, c'est-à-dire que Dieu lui donne des occasions de prêcher la parole de Dieu. Écoutez la suite, verset 3. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Il fait référence surtout à l'Évangile, à la bonne nouvelle, maintenant offert aux non-juifs aussi bien qu'aux juifs, qu'ils puissent prêcher l'Évangile. Il poursuit au verset 3, « Pour lequel je suis dans les chaînes. » L'apôtre Paul soumet donc deux requêtes qui concernent le ministère. Que Dieu ouvre des portes et qu'il l'aide à s'exprimer. Et le verset 4, « Et le faire connaître comme je dois en parler. » Oui, prions pour nos pasteurs, prions pour nos évangélistes, afin que lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils fassent connaître le mystère de Christ. Il m'arrive d'entendre parler des gens de leurs pasteurs qu'ils critiquent. Ils diront par exemple, « Vous savez, je n'aime pas la façon dont ils prêchent. Je n'aime pas la façon dont il s'habille. Je n'aime pas ceci ou cela. J'aimerais vous poser une question. Quand avez-vous prié pour votre pasteur pour la dernière fois? Quand avez-vous intercédé en sa faveur afin que Dieu travaille dans sa vie? J'aime autant vous le dire tout de suite, un pasteur parfait, ça n'existe pas. D'ailleurs, que feriez-vous d'un pasteur parfait? Vous devriez vous trouver une autre église. Parce que des membres d'église parfaits, ça n'existe pas non plus. Nous sommes tous imparfaits, et c'est pourquoi nous avons tous besoin les uns des autres. Et l'action la plus puissante que nous puissions faire est d'intercéder les uns pour les autres. Ainsi, Dieu répondra à nos requêtes. C'est pourquoi l'apôtre Paul demande à ses interlocuteurs de faire ces choses pour lui. Priez pour que Dieu ouvre des portes d'opportunité. Et priez aussi pour que Dieu me montre comment exprimer la vérité avec clarté. Je veux me joindre à cette prière, car du fond de mon cœur, je désire que vous priez pour moi, afin que j'annonce clairement et simplement la vérité. J'aimerais que personne, pas même un enfant, ne puisse se méprendre sur le sens de mes paroles. Mais pour cela, vous devez prier pour moi, afin que Dieu s'exprime à travers moi. Priez également pour toutes les personnes qui proclament l'Évangile. C'est la seule manière que nous aurons tous de réussir cette cruciale tâche. Il arrive que les gens viennent me voir et me parlent de leur impression par rapport à mes enseignements. Ils me disent par exemple, « Savez-vous ce que j'ai apprécié le plus ?» Je leur réponds que non, et je leur demande alors de me dire ce que c'est. Or, ils me parleront de quelque chose dont je n'ai pas parlé, que je n'avais même pas mentionné. N'est-ce pas extraordinaire ? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il prend la parole de Dieu et il la travaille. Vous entendez alors ce que vous devez entendre, ce que vous avez besoin d'entendre. Je peux avoir effectivement dit ces choses qu'ils vous ont touchées, mais ce n'est pas obligatoire. Je ne suis qu'un instrument. C'est pourquoi vous ne devriez jamais rater une occasion d'entendre la parole de Dieu, que cela soit à l'église, à la radio ou à la télévision. Certains pensent peut-être présentement, « Je ne suis pas sûr d'aimer l'émission d'aujourd'hui. » C'est votre choix. Mais laissez-moi vous dire une chose. Puisque c'est Dieu qui s'exprime par mes paroles, vous seriez peut-être bien avisé de l'écouter, car il pourrait le dire d'une manière différente de la mienne, d'une façon dont je serais tout à fait incapable. Et Paul nous exhorte à prier pour lui afin qu'il soit capable d'exprimer la vérité clairement et de rendre impossible tout malentendu. Je suis tellement heureux qu'il ait demandé cela. Je suis heureux qu'il l'ait fait, car il m'arrive de lire certaines de ses œuvres et de me demander, « Seigneur, que veut-il dire par cela ?» Et pendant que je prie et que vous priez pour moi, alors que je cherche à comprendre, que je fais des recherches et que j'étudie, Dieu m'éclaire progressivement. J'aimerais maintenant vous amener à réfléchir sur votre vie de prière. Comment passez-vous votre temps en compagnie de Dieu? Priez-vous surtout pour vous, pour vos besoins, pour votre famille, pour vos proches? Combien de temps passez-vous à l'extérieur de ce petit cercle? Car c'est le cercle dans lequel la plupart des gens prient. Mais sortez-vous souvent de ce cercle pour entrer dans le grand cercle de la famille humaine qui s'étend sur tous les continents? Priez-vous pour le salut de millions de gens à travers le monde? Pensez-vous aux sans-abri, à ceux qui souffrent, à ceux qui meurent dans les autres pays du monde? Pensez-vous à ceux qui sont en guerre? Pensez-vous à ces membres de la même famille qui sont en mauvais termes? Pensez-vous à ces gens qui se déchirent, le cœur plein de colère et d'amertume? Pensez-vous qu'ils ont désespérément besoin d'entendre la vérité? Vous comme moi, nous connaissons assez bien les nouvelles qui proviennent des quatre coins du monde pour savoir à quel point les gens ont besoin d'entendre l'Évangile et d'être sauvés. Et ici, nous recevons assez de lettres, de coups de téléphone et de courriels pour savoir à quel point les gens ont faim et soif de vérité. Ils veulent connaître la vérité. Pendant ce temps, nous sommes confortablement assis, même si nous possédons assez de vérité pour sauver le monde. Quelle tristesse! L'apôtre Paul nous exhorte à nous consacrer à la prière. Si vous voulez que votre vie compte vraiment pour Dieu, si vous voulez que votre vie influence quelqu'un, et si vous voulez qu'elle soit remplie de choses qui sont vraiment importantes, consacrez-vous à la prière. Votre relation avec Dieu prendra un nouvel élan. De plus, Dieu vous utilisera et redéfinira les limites de ce que vous pouvez accomplir, et vous serez étonné de voir ce que vous pouvez accomplir grâce à lui. Comment? Je le répète, c'est tellement simple. Il s'agit seulement de donner du temps à Dieu et de le laisser accomplir sa volonté dans votre vie. Prions. Père, merci d'avoir rendu les choses aussi simples et aussi évidentes. Nous devons seulement élever nos cœurs et nos pensées vers toi, te parler, savoir que tu nous écoutes et que tu nous répondras parce que tu nous aimes. Je prie aujourd'hui pour que chaque personne ayant entendu ce message soit assez sage pour te consacrer un temps spécial afin de te prier et de t'écouter par l'intermédiaire de ta parole. Les yeux ouverts, les yeux fermés, écrivez vos requêtes, marquez d'un trait vos réponses et laissez Dieu développer en vous ce que Dieu désire par-dessus tout, une relation intime et aimante avec vous. Au nom de Jésus, amen. La Bible nous encourage fortement à nous consacrer à la prière. Et Charles Stanley nous a rappelé que si nous faisons de notre temps personnel avec le Seigneur une priorité quotidienne, il nous utilisera d'une façon qui nous étonnera. Pensez-vous être indigne d'être utilisé par Dieu pour accomplir une grande œuvre? Alors, bienvenue au club! Rappelez-vous comment Dieu a utilisé Moïse, un meurtrier qui bégayait afin de libérer des milliers de personnes de l'esclavage de Pharaon, un des personnages les plus puissants et les plus redoutés de son époque. Et que dire de Gédéon, d'Élie, de David, de Joseph et de tous les autres qui ne se sentaient pas capables de répondre à l'appel de Dieu? Si vous avez la foi et si vous continuez à prier, Dieu fera le reste. Aussi, n'abandonnez pas, n'oubliez pas, le mot d'ordre est persévérance. Vous avez faim, vous avez soif, votre estomac est vide, votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.